وصلنا عند الأصل الرابع هكذا يا إخوان الأصل الرابع نعم donc on est arrivé dans ce livre les six fondements on est arrivé au quatrième fondement من يذكرنا الأصول التي أخذناها بأدلتها et qui c'est qui peut nous rappeler les fondements les trois premiers fondements avec leurs preuves نعم الأصل الأول الإخلاص إخلاص الدين لله عز وجل donc le premier des fondements parmi les fondements de l'islam le fait de vouer un culte sincère et exclusif à Allah عز وجل ومن أدلة هذا الأصل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين et fait partie des preuves sur lesquels on s'appuie pour ce fondement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans surat al-Bayyinah ils n'ont pas été ordonnés par une autre chose que le fait de vouer un culte sincère et exclusif à Allah azza wa jalla. Na'am. Wal aslu al-thani. Et le deuxième fondement est Riyad. Il est porté sur quoi? الاجتماع الأصل الثاني الاجتماع على الحق وعدم التفرق le deuxième fondement il concernait le fait que les musulmans doivent s'unir et ne pas se diviser dans la religion نعم ودليل هذا الأصل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى dit selon une traduction approximative et accrochez-vous au câble d'Allah عز وجل au lien d'Allah عز وجل et ne vous divisez pas نعم والأصل الثالث et le troisième des fondements qu'on a pris نعم طاعة ولي الأمر المسلم le fait que on se doit d'obéir au gouverneur au dirigeant musulman et ceci même si il est injuste envers nous du moment qu'il ne nous ordonne pas un péché ou une désobéissance à Allah Azza wa Jal, alors on se doit de lui obéir. Naam. طيب. والأصل الرابع. قال الشيخ عليه رحمة الله الأصل الرابع. Donc le quatrième fondement, بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا كذلك من أصول هذا الدين. Le fait d'avoir la clairvoyance et de reconnaître qu'est-ce que la science et qui sont les savants. نعم. Qu'est-ce que la science et qui sont les savants? Les véritables savants. Ceux dont les paroles et les œuvres peuvent être prises comme en guise d'exemple. En guise d'exemple. Naam. وقال وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. Donc, Cheikh l'Islam, Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il s'appuie en guise de preuve à ce fondement, c'est-à-dire sur le fait que l'Islam appelle à reconnaître et à être vigilant sur le fait de savoir qu'est-ce que la science utile, et qu'est-ce que, ou qui sont les véritables savants. Il s'appuie sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur plusieurs versets de Sourate al-Baqarah, en partant du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, ô fils de Israël. Israël, c'est qui Mahfoud? Ouais. Israël, c'est un beau nom? Est-ce que c'est un beau prénom? Hein? Ah, Mahfoud. Ah, vous dites, non, c'est pas un bon prénom. Taïb, Yanis, Israël, c'est un bon prénom. Est-ce que, Yajouz, là, est-ce que ça t'est permis que tu t'appelles ton fils Israël? Tu me réponds par une question. Est-ce que c'est permis que tu appelles ton fils Israël? Allah, là-bas. Ahsan. Abdel Malik, c'est permis que tu appelles ton fils Israël? Allah Allah. Riyad, c'est permis que tu appelles ton fils Israël? Naam. Ahsant. C'est permis que tu appelles ton fils Israël? Parce que ça fait partie des beaux noms. Parmi les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribués à l'un de ses plus nobles prophètes. Car Israël, c'est le nom de qui? De Yaqub alayhi salam. Hein? Bani Israël, c'est-à-dire les enfants de Yaqub. Naam. طيب لكن بعض الناس يستعملون الاسماء على غير مراد. Certaines personnes et ça dans toute chose, vous allez voir, certaines personnes, ils emploient des mots hein, sans faire attention à leur sens. Sans faire attention à leur sens. Et c'est pourquoi le fait d'insulter Israël, c'est un péché énorme. Le fait d'insulter Israël, c'est un péché énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu insultes le nom d'un prophète, tu insultes un prophète, sans que tu le veuilles. Donc, yani, il faut faire attention aux alphab. Et là, parce que tu appelles des criminels par leur nom, et non par le nom de prophète Adjillah Fudala. Naam. Donc là, le shir, il s'appuie sur les versets de Sourate al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait par lequel je vous ai comblé. Et tenez vos engagements, je tiendrai les miens. Tenez vos engagements, je tiendrai les miens. C'est-à-dire de ce verset-là jusqu'au verset Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire c'est du verset 40 de Sourate al-Baqarah jusqu'au verset 47, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait, le bienfait que je vous ai accordé. إني فضلتكم على العالمين. Je vous ai certes choisi et préféré sur tout l'univers. Je vous ai certes choisi et préféré sur tout l'univers. Hada kalamullah. Ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit qu'il a préféré et choisi les enfants d'Israël sur tout l'univers. Donc les enfants d'Israël, qui sont les Juifs, Al-Yahoud, Bi'adhan-Nas, avec ce ayah, on peut dire qu'ils ont été choisis et préférés sur tout l'univers. Akada. C'est par rapport au bienfait qui leur a été accordé. Hassan. Aux nombreux prophètes qu'il leur a envoyés aussi. Aux nombreux prophètes. Mais est-ce que. C'était la meilleure des communautés préférées d'Allah à l'époque. Aïe. Après, ils ont. Naam. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis, il les a élevés, il les a préférés à leur époque. À l'époque de Moussa, à l'époque de Youssouf, à l'époque de tous les prophètes qui sont venus pour Bani Israël jusqu'à Isa. Il faut savoir que tous les prophètes, à l'exception d'Ismaïl, tous les prophètes qui sont venus de la descendance d'Ibrahim, tous les prophètes, ils ont tous été envoyés pour quel peuple ? Banu Israël. À l'exception de deux prophètes, on a dit Ismaïl et l'autre Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé pour l'univers entier, pour tout l'univers. Et c'est important de croire ça, parce que certains chrétiens, ils ont la croyance que Mohammed, c'est un prophète. Subhanallah. Certains chrétiens, ils ont la croyance que Mohammed, c'est bel et bien un prophète envoyé d'Allah Azza wa Jalla. Mais ce qui les empêche de rentrer dans l'islam, c'est qu'eux, ils pensent que Huwa Nabiyul Arab. Ils disent que c'est le prophète des Arabes. فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو نبي العرب والعجم والابيض والاسود والجن والانس et alors que bien au contraire le prophète صلى الله عليه وسلم comme vous le savez c'est un messager et un prophète pour les arabes comme pour les non arabes pour les blancs comme pour les noirs pour les djinns comme pour les êtres humains. نعم. C'est permis de dire pour les gens qui ont suivi les prophètes de Bani Israël que c'était des juifs, c'est-à-dire à leur époque. Est-ce que c'est permis de dire qu'à leur époque c'était des juifs ? Allah a'lam. Allah est plus savant. Lakin as-sawab annahu yani moi je penserais plus de la vie de dire que ils étaient musulmans min hayth al-'am yani al-ma'na al-'am, ils étaient musulmans, c'est-à-dire d'une manière globale, parce que qu'est-ce que ça signifie être musulman? Soumis à Allah. C'est ça la véritable traduction. Et les ennemis de l'islam, si vraiment ils voudraient le khair, ils auraient déjà commencé par traduire qu'est-ce que l'islam, hein? Mais au lieu de ça, eux, ils prennent des mots comme ça, qui sont globales et qui ont un sens énorme, et ils te rajoutent une définition à leur misage, comme ils veulent le comprendre. Ils t'ont pris le mot islam, ils t'ont mis islamiste. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils t'ont mis le mot salafi, salafiste. Pourquoi ils ne traduisent pas? Salafi, ça veut dire quoi? Ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Taïb. Muslim, ça veut dire quoi? C'est le soumis à Allah Azza wa Jalla. Ma kana Ibrahim yahoudiyan. Wala nasraniyan. Walakin kana musliman. Kana hanifan musliman. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour innocenter Ibrahim, Abraham, il dit, certes, Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, n'était ni juif, ni chrétien. Ni juif, ni chrétien. Mais au contraire, il était d'un culte sincère envers son Seigneur, musulman, c'est-à-dire soumis à son Seigneur. Non. Soumis à son Seigneur. Non. Donc Allah a'lam, est-ce qu'on peut les appeler, ceux qui ont suivi leurs prophètes à leur époque, est-ce qu'on peut les appeler Yahoud ou Nasara ou là? Allah a'lam. Mali bihi ilm. Taïb. Qala ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. Donc non seulement le Coran a évoqué certaines caractéristiques de la science et certaines caractéristiques des savants pour que tout un chacun puisse reconnaître c'est quoi un savant. Tout un chacun puisse reconnaître c'est quoi la science utile. Hein? Comme il a évoqué de Sourate Al-Baqarah, les versets 40 jusqu'au verset 47. Et il dit aussi que on trouve un descriptif de la science ainsi que des savants dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans multiples paroles du prophète alayhi wa sallam, des paroles qui sont claires que toute personne aussi simple d'esprit qu'elle soit puisse concevoir et comprendre. ثم صار هذا أغرب الأشياء. Alors après que c'était une chose claire, c'est-à-dire la science et les savants, c'était une chose qui était claire dans la communauté. Après cette époque-là est venue une époque où c'est devenu ambigu. Les gens ne savent plus reconnaître c'est quoi un savant. Ils ne savent plus même qu'est-ce que la science. على سبيل المثال المثال كنا مع بعض الإخوة حضرنا خطبة جمعة في إحدى المساجد. On avait assisté à une Jumu'a, un serment de Jumu'a dans une des mosquées de la région. Et l'imam, il a fait un hadith, il a évoqué des ayats du Coran, de la Sunna, ainsi que des athars de Salaf sur l'ilm, fadl l'ilm. Et ça m'a surpris parce que l'imam, tu le vois, il avait pas l'air de quelqu'un sur la Sunna thabit. وكذا المهم سما سوربريز سما في بليزير كو اون انتون دون دون اون موسكي بارلي parmi les mosquées d'Allah عز وجل des gens qui appellent à la science. Mais qu'est-ce que lui voulait par ça, par cela? C'est dans son deuxième khutba qu'il évoque, il dit voilà, maintenant c'est la rentrée des classes, donc nos enfants ils se doivent d'exceller dans les cours, parce que c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Ya akhi, hada yani al-ilm nafi' fi wadin wa huwa fi wadin akhar bu'd ma bayn al-mashriqayn. Il y a deux opposés, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'appelle à la connaissance d'Allah azza wa jal, et toi tu l'appelles à aller étudier chez des gens qui vont t'apprendre, je sais pas moi, l'homosexualité c'est bien, et plein d'autres perversions ou égarements. Donc ça, c'est exactement ce que veut indiquer le shir. Que le fait maintenant, aujourd'hui, ou à son époque, et encore plus à la nôtre actuelle, les gens ne savent plus c'est quoi la valeur de la science. Ilm nafi'. Et ils ne savent plus c'est quoi reconnaître même c'est quoi un savant. Pour eux, n'importe quelle personne qui yuhsin rubama al-arabiyya, khalas huwa alim, hatta wa intakallama bi zandaqa. Taïb. Donc, il dit, maintenant, à notre époque, c'est devenu l'une des choses les plus étranges, c'est-à-dire la science utile et le fait de reconnaître les savants. Wa sar al-ilm wal-fiqh huwa al-bid'a wal-dalalat. Et à notre époque, enfin à l'époque du shir, et comme je vous dis, ça, si c'est à l'époque du shir, l'époque du shir, ça remonte à combien de temps, Akhana Mohamed? Allah alam ahsan. Nuh, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahab, il était là, il était à quelle époque? C'était à combien de temps en partant de notre époque? Allah alam. Khaled. Allah alam. Yahya. 200 ans. Naam. C'est environ il y a 200 ans. Donc il y a 200 ans, Mohamed ibn Abdul Wahhab se plaignait déjà que la science utile ainsi que les savants soient méconnus auprès des gens de la masse. Naam. Donc à notre époque, c'est encore plus ambigu pour eux, pour les gens de la masse. Naam. Et la science est devenue, la science ainsi que la jurisprudence religieuse est devenu comme une innovation pour les gens de la masse. Hein, c'est comme si c'était une innovation en dalal. Tu veux t'accrocher à ton dîn, tu veux suivre, par exemple, que quelqu'un il fasse l'essai de demander à un père de, je sais pas, un père de famille, parmi les awab, est-ce que tu préférais envoyer ton fils, yatlub al-ilm, il recherche la science religieuse à Mecca ou autre, ou tu préférais qu'il aille à Oxford ou je sais pas moi dans quelle grande école pour faire des études en droit ou autre. Vous allez voir que miskin, rubama, c'est yakhtar belad al-gharb. Vous allez voir que cette personne-là, dans la plupart des cas, par un manque de science et par un manque de connaissance de ce qu'apporte la science utile, il va choisir le fait d'envoyer son fils dans les pays occidentaux ou autres. Non. À la kulli hal, هذا يعني مضمون كلام الشيخ هنا. وخيار ما عندهم ليس الحق لبس أو لبس الحق بالباطل. نعم. Donc la plupart des gens, de ces gens qui n'ont pas de connaissance de ce qu'est la science et de qui sont les savants, eux, tout ce qu'ils ont, c'est d'enjoliver le faux. Et dans les dire le vrai. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Et après, celui qui va parler avec la science, celui qui va parler avec science et qui va qui va parler avec science chez les gens de la masse, comme ils savent pas que c'est de la science, eux, ils vont le prendre pour un fou ou pour quelqu'un qui est sorti de l'islam. Ça, c'est à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Fama baluk bi zamanina. Donc ça, c'est à son époque. Alors qu'est-ce qu'il en est à notre époque? Wasara man ankarahu wa aadahu wa sanafa fi tahdhir minhu wa nahi anhu huwa al-faqih al-alim. Et pour les gens de la masse, celui qui réfute les gens qui parlent avec science et qui suivent ou qui sont qualifiés comme étant des ulama, ceux qui réfutent ces gens-là, c'est eux les véritables savants et c'est eux les véritables personnes dotées de raison. Donc ça, en gros, c'est le quatrième asl. Et en fait, ceux qui ont bien compris ce asl-là, le madmoun de ce asr, c'est quoi? C'est le fait que fait partie des fondements de l'islam de savoir qu'est-ce que la science. Qu'est-ce que la science nafi'? Tu dois savoir c'est quoi la science nafi'? Wa ma huwa al-'ilm nafi'? Et c'est quoi la science utile? Qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabatu al-kiram. Hein? La science utile, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. Le Coran, c'est pour ça, ya ikhwa, que il ne faut pas être négligent envers le Coran. Beaucoup de gens, ils veulent attendre, ils veulent la science, mais ils négligent le Coran. Ils veulent apprendre leur religion, ils veulent avancer, ils veulent apprendre le fiqh, ils veulent apprendre comment faire salat, ils veulent apprendre toutes ces choses-là, ils veulent les apprendre, mais ils négligent le Coran. Yakum wa yakum anil ghafla anil Coran, parce que le Coran, c'est la base. Maddatul ilm fil Coran. La base de toute la science religieuse se trouve dans le Coran. C'est pourquoi la personne, elle se doit de ne pas passer un jour sans lire du Coran, sans réviser du Coran ou sans même apprendre. Donc ce asl, ce que je veux que vous reteniez de ce point, c'est que on se doit, en tant que musulman, de connaître qui sont nos exemples. Qui sont les personnes vers lesquelles on peut revenir lorsqu'on a un ishkel, lorsqu'on a un problème? Parce que la boudda min marji'. On se doit d'avoir des gens qui nous éclairent sur des textes qui sont peut-être ambigus pour nous, ou des questions sur lesquelles nous-mêmes on ne trouve pas de réponse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé cette religion par les ulama. Il a protégé cette religion par les savants. Non. Donc si toi tu sais pas c'est qui les savants de la sunna, ou les savants qui appellent à Allah et qui sont considérés réellement comme des savants, forcément, à un moment donné, tu suivras des gens qui n'en sont pas dignes. Et de surcroît, tu t'égareras du sawa as-sabil, du droit chemin. Non. فقلنا مضمون هذا الأصل أهمية الجرح والتعديل. Donc le ce que on peut retenir de ce point, comme quoi la science de la critique et de l'éloge est une importance dans cette religion. Quand on dit la science de la critique et de l'éloge, ya Mohammed, c'est quoi? C'est quoi la science de la critique et de l'éloge? Parce que là, il y a des frères, je pense, qui ne savent pas c'est quoi. C'est quoi l'éloge et la critique. Voilà. Parce que dans cette religion-là, par exemple, les hadiths du prophète, les paroles prophétiques qui nous proviennent, il y en a qui sont authentiques et il y en a qui sont faibles. qu'on ne doit même pas attribuer au prophète, elles sont faibles. En fait, le prophète, il n'a jamais parlé de ces paroles-là. Taïb, comment nous, on a pu faire la différence? On a pu faire la différence là, avec des savants d'un temps suffisamment reculé par rapport à nous, qui ont pu voir que dans ceux qui ont transmis ce hadith, il y avait un menteur, il y avait une personne qui... avait une mauvaise mémorisation, il y avait une personne qui avait beaucoup d'oubli, et eux ils ont pu dire voilà, ce hadith là il est faible parce qu'un tel il n'est pas considéré comme quelqu'un d'une mémorisation forte, ou n'est même pas considéré comme quelqu'un dont on peut prendre la parole. Et donc cette religion là elle a été préservée par cette science là qu'on appelle la critique et l'éloge. C'est-à-dire, certains savants, ils vont critiquer d'autres personnes. Mais ils ne vont pas les critiquer pour anhawa, par passion, ou par jalousie, ou par... Non, c'est pour par haq. C'est pour défendre la religion d'Allah et pour mettre en garde. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجَرِمِينَ. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An'am il dit et voici comment nous expliquons ou nous détaillons nos versets et nous vous montrons le chemin des criminels. Ça montre que le fait de dire Fulan il est dans un égarement, un tel il s'est égaré, et tu dis quelles sont les formes d'égarement, comme on a fait pour qui là dernièrement? On a évoqué les égarements de qui? Hassan al-Banna. Saïd Qut, qu'est-ce qu'il a comme égarement, Mohamed? Saïd Qut, t'entends parler de lui? Il fait partie des têtes des Ikhwan al-Muslimin, mais beaucoup de Khawarij, les Takfiriyin ou autres, beaucoup, ils prennent de ses paroles et ils lisent de ses livres. Taïb, qu'est-ce qu'il a comme erreur, lui? Naam, il a insulté Nabi Allah Moussa en disant que c'est un nerveux et un... comment? Ouais, fanatique. Ouais, asabi. Naam. Wa kadhalik. Hein? Al-khuruj ala al-hukam. Ou, naqul takfir al-muslimin. Lui, il a dit, il n'y a pas dans cet univers un mujtami', une communauté musulmane. Tu vois? Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'en fait, pour lui, il n'y a pas d'islam. On est tous sortis de l'islam. Et Rubama, lui-même, on pourrait lui dire que bah, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas musulman. À la kulli hal, donc le fait qu'on l'ait exposé certaines de ces erreurs, c'est pour que les gens ils s'en écartent et qu'ils prennent garde de ce genre de personnes. Donc ça rentre bel et bien dans ce asl là. Donc là, vous comprenez que certaines personnes qui vont dire, comme ça a été dit de certains prédicateurs, le jarh wa ta'dil, c'est pas pour les débutants ou là, c'est pas pour ijtanab. Hada, c'est pas une parole à prendre à la lettre là. C'est pas une parole à prendre d'une manière absolue et c'est pas à réfuter d'une manière absolue. Mais la bout de min bayan, t'es obligé d'expliquer un tant soit peu aux gens certaines choses qui sont relatives à cette science là, la critique et l'éloge. Et tu peux pas laisser les gens écouter de tout un chacun parce que soi-disant ils sont nouveaux. Non. فقلنا مضمون هذا الأصل أهمية الجرح والتعديل إذ لا يعرف العلماء علماء الهدى وعلماء الضلال من قديم الزمان إلى يومنا هذا إلا به. Donc là on voit l'importance de la science de la critique et de l'éloge. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas savoir si tel ou tel savant il est bel et bien sur le droit chemin que de par cette science-là. C'est-à-dire en voyant les savants qui ont vanté et qui ont fait l'éloge de ce savant, là on sait que cet imam est véritablement une personne de... Et en vérité, c'est une simple logique. C'est une simple logique. Toi, si tu vas chez un dentiste ou si tu vas chez un médecin, t'as un problème au cœur. Tu vas pas aller voir n'importe quel médecin. Ça, voilà. Là. Tu vas demander à connaître. Est-ce que ce médecin-là est bon ou pas? Et tu vas pas demander à des patients. Ou tu vas pas demander plutôt à des gens autres que des médecins. Parce que c'est le médecin qui peut reconnaître un médecin d'un charlatan. Non. Enfin, نفس الكلام عند العلماء. نعم. طيب وما نصرت دعوة أهل السنة على مر التاريخ إلا بالتميز والجرح والتعديل. Et la prédication des gens de la Sunna n'a été sauvée, c'est-à-dire depuis l'ancien temps jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, que par leur vigilance sur cette science-là. الجرح والتعديل وفعلا كم من ضلالات سلم الناس منها بسبب هذا العلم. Combien d'égarements les gens ont été préservés de tomber dedans de par cette science là. Alors vous avez un grand prédicateur que bon nombre de gens auraient pu suivre et tomber dans son égarement. وهو القرضاوي ها الذي يبيح للناس الربا ويبيح لهم سماع الأغاني وغير ذلك ها celui qui a légiféré le fait que de manger de l'usure, les intérêts ou la musique s'est permis ou bon nombre de dalalat. Combien d'égarements cette personne là elle a proféré si on n'aurait pas eu les mises en garde de certains savants de la Sunna. Peut-être on serait tous aujourd'hui à dire que l'usure c'est permis, que la musique c'est permis, que bon nombre de choses sont permises. N'aim. وكذلك ماذا les gens qui les certains savants ou certaines personnes de science qui ont appelé à sortir contre les gouverneurs. Comme Ayad al-Qarni, ou Salman al-Aouda, ou Gheirihim. Si on n'avait pas des gens qui nous ont éclairés sur la situation de ces personnages, on serait peut-être parti avec eux. Et le jarh wa ta'dil, ya ikhwa, c'est une chose importante. Hatta al-an, Akhuna Hamza, عليه رحمة الله لما نصحنا بترك بعض الدعاة هنا منهم بشير بن حسن lorsque Hamza nous avait conseillé à l'époque de délaisser certains prédicateurs comme Bashir ibn Hassan un imam qui prêchait à l'époque à Villiers. lorsqu'on a vu les preuves ou l'adilla ou kada, et que kadalik Hamza il a essayé de le conseiller et qu'il est resté sur ses positions, tarakna wa idha bihi ba'd dhalik. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard avec le temps? Quand il est parti en Tunisie, il a appelé les gens à sortir contre le gouverneur lors de ce printemps qu'ils appellent le printemps arabe. Or, il ne mérite pas ce nom. Non, ba'den hasala lahu ma hasala. Lakin, c'est pour vous faire comprendre comme quoi, combien de personnes ils évitent de tomber dans des égarements ou de suivre des gens dans l'égarement, ne serait-ce que par la critique, la science de la critique et de l'éloge. Après, il y a, c'est très très important ce qui vient d'évoquer notre frère Mahfoud. Il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est là où on rejoint les paroles de certaines personnes qui disent le jarh wa ta'dil c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est une parole qu'on ne peut pas prendre d'un sens absolu et qu'on ne peut pas réfuter d'un sens absolu. Ça veut dire qu'il y a certaines choses en ce qui concerne les critiques que certains savants ils peuvent faire à d'autres. Il y a certaines choses qu'il est meilleur pour un débutant en science de laisser. Il y a certaines choses. Surtout quand c'est relatif à quelqu'un qui est connu comme étant une personne de science, une étant... Il a été reconnu par d'autres savants comme quoi c'est lui-même un savant. Et il parle sur un autre savant qui a été reconnu chez d'autres comme étant un savant. Ça, c'est des points. Si la personne, elle s'en éloigne, fa inshallah la darar alayh. S'il n'a pas de science et qu'elle s'éloigne parce que c'est flou pour lui, la darar alayh. Mais celui qui a une quelconque ma'rifa, il se doit d'aller au plus profond de la chose. Et de savoir pourquoi on parle sur un tel. Est-ce que ces accusations sont fondées? Il ne faut pas seulement s'arrêter à ce que... Moi, par exemple, je vais parler sur un Khouna Mohamed. Vous deux, vous le connaissez. Tamam? Et vous allez dire, ouais, Jibril, par exemple, il a dit sur Mohamed, kada wa kada, telle et telle chose. Vous allez dire, ouais, Jibril, il ne peut pas mentir. Ou Jibril, il ne peut pas se tromper. Vous prenez la parole à Jibril comme ça, bidoun. Bidouna yinada. Là, hada ghalat. Ghalat. Déjà, il faut savoir quelles sont les accusations et est-ce qu'elles sont fondées. Et ça, vous allez le voir même chez le fi'l de certains salaf. C'est quel? Qui c'est qui peut nous rappeler la faïda qu'on a souvent évoquée? Quel imam qui a critiqué un rapporteur de hadith parce qu'il est passé devant sa porte et il a entendu un bruit d'instrument? C'est quel imam? Tu te rappelles, Ryan? Hein? Ah, mashallah. Allah Akbar. La faïda, je l'ai donnée peut-être il y a, on va dire, 3 mois en arrière, mais mashallah. Emir al-Mu'minin fil hadith. Il a dit son laqab. Là, il a dit son surnom. Emir al-Mu'minin fil hadith. Le prince des croyants en ce qui concerne la science du hadith. C'est qui cet homme qu'on appelait le prince des croyants en ce qui concerne la science du hadith? Hey, là, lui, il a dit le surnom. Toi, là, t'as dit la kunya. Enfin, une partie de la kunya. Abu Bistam. Wa ismuhu? Ha? Shu'ba. Hein? Donc Shu'ba, c'est un imam. Les salafs, les plus prédécesseurs, ils le considéraient comme le prince des croyants dans le hadith. Malgré tout, il est passé devant une maison, la maison d'un rapporteur de hadith. Il a entendu juste simplement le bruit de musique ou quoi, d'instrument de musique. Et direct, il a dit, Fulan, da'if. Hein? Un tel, il est faible parce qu'il écoute la musique ou il joue la musique. Est-ce que les savants, ils ont pris sa parole parce que c'est Abu Bistam? Non! Dès qu'ils ont vu la qadiya, dès qu'ils ont regardé, ah oui, mais il est passé devant sa maison, ah d'accord. Déjà, ils ont demandé à Abu Bistam, pourquoi tu le critiques? Ouais, parce que je suis passé devant sa maison, il y a eu ça. Mais il y a, malgré qu'on on, on, on a une forme de vénération pour les savants, pour les gens de science ou les pieux, on ne doit pas aller dans le relou. C'est pas parce que t'entends cette parole-là que khalas, ça devient comme de l'eau que tu bois. Non. Là, tu fais marcher ton acte. Par exemple, là, ces élèves lui ont demandé, mais est-ce que tu l'as conseillé? Shabba, elle a dit non. Deuxièmement, et ces élèves, ils ont dit, mais est-ce que c'était lui? Est-ce que c'est lui qui jouait ou est-ce qu'il était là? Peut-être ça se trouve, il n'était pas là. Peut-être ça se trouve, c'est son serviteur. Peut-être ça se trouve, c'est une de ses femmes. Ou quoi? Qui jouait cette musique. Comment tu vas juger sur une personne que tu ne l'as pas vue? Et les ulémas après lui, ils ont tous été unanimes sur le fait de laisser la critique de Shu'ba sur ce rapporteur. Tamam. Donc, pour revenir à ce qu'évoquait Akhuna Mahmoud Bertissar, certaines formes de critique, elles ne sont pas claires pour tout le monde. Elles ne sont pas claires pour tout le monde. Il y en a la baisse que tu t'en éloignes. Il y en a la baisse que tu t'en éloignes. Il faut toujours que l'insan il soit habitué à avoir un contact avec les savants. C'est-à-dire à savoir, par exemple, dans certains groupes que certaines personnes peuvent avoir sur les réseaux sociaux ou quoi, tu entends des paroles de savants. Tu entends Cheikh al-Islam, Cheikh Fulan, Cheikh Ibn al-Qayyim, Cheikh. En fait, il faut que l'insan il sache. Ils soient habitués à entendre les noms des savants et à reconnaître les savants. Parce que ça, c'est très important. Ça fait partie des usuls. Ce qu'on voit dans ce livre-là, c'est des usuls. C'est des fondements. Celui dont sa religion elle est construite sur ces fondements-là, il ne sera jamais perdant. Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne le laissera jamais, celui dont les fondements sont fermes. Vous voyez une maison? Une maison dont les fondements sont solides. Est-ce qu'elle s'écroule? Elle tient face au vent, elle tient face à la pluie, elle tient face aux intempéries, elle tient face à toute chose. Wallahi alham. Fanafsal kalam pour l'islam. Bouni al islam ala khams. L'islam a été construit sur 5 choses. Naam. Ala kulli hal, donc on revient. Qulna wa dhakara ba'du ahli al ilm lil jarh wa ta'dil hikamun. Donc certains savants, ils ont évoqué que la science de la critique et de l'éloge a certaines sagesses. Minha siyanatun islam. Siyanatun l'islam. Donc la science de la critique et de l'éloge, parmi ses sagesses, c'est qu'elle est une sorte de préservation pour l'islam. Avec cette critique et cette science-là, tu arrives à savoir c'est quoi l'islam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. وفيه قوة لأهل الإسلام. Et aussi avec le jarh al-ta'dil, il y a une forme de force. C'est avec cette science-là, elle déverse une force pour les gens de l'islam. D'où provient avec le jarh, avec la critique et l'éloge, la science de la critique et l'éloge, d'où provient la force des gens de l'islam? Naam, at-tashawur entre eux. Ça veut dire que toi, maintenant que tu sais que Fulan, quand tu le vois, quand tu vois son apparence et ses œuvres, tu vois que ça, c'est l'islam. Forcément, tu te lies à lui. Et tu te comptes, il y a une consultation, il y a une entraide entre vous. Tamam? Puisque tu vois que lui, ses œuvres, elles sont conformes à l'islam. Naam. Et plus il y a ce lien-là, plus la communauté devient forte. Plus la communauté devient forte. نعم. وفيه تميز لصفوف الإسلامية عن غيرها من صفوف الباطل والأهواء. Et aussi avec cette science-là, on arrive à différencier les rangs. On arrive à différencier les rangs de l'islam de ceux qui s'affilient à l'islam, حقيقةً, de ceux qui n'en ont rien à de ceux qui ne s'y apparencient ou ne s'y affilient pas. Non. Là aujourd'hui, كلهم يتكلمون comme je l'ai dit au début du dars, islamistes, terroristes, intégristes, extrémistes. Toutes ces nouveaux mots hein, qu'ils ont eux-mêmes forgés, ils les utilisent pour qualifier quoi ? Pour qualifier l'islam. L'islam, minhum bura'a, kullal bara. Alors que l'islam se désavoue et s'innocente de tout ce que peuvent faire les terroristes, et ceci dans n'importe quel pays du monde. Bara'atun min Allah. Naam, al-bara'a, surat al-bara'a. L'islam, elle se désavoue de tout ce qu'on l'accuse actuellement. Mais nous, comment on le sait ? Avec cette science-là, la critique et l'éloge. La critique et l'éloge. Naam. Comment on sait que, tel savant ou telle personne, il appelle à une chose qui contredit l'islam et la sunna avec ce genre de science. Naam. Wa ilasaf al-shadid. Celui qui a ta'ammal. C'est pourquoi, ya ikhwana, ansahukum bi isti'mal al-uqul fi kull la siyama fi al-akhbar. Yani j'appelle je m'appelle moi-même ainsi que vous à utiliser votre raison lorsque vous êtes face aux différents articles ou les différentes informations qui sont propagées jour après jour, que ce soit à la radio ou autre. Le terrorisme, il fait le jeu de qui ? Question simple, il fait le jeu de qui ? C'est qui en tire profit ? Est-ce que c'est l'islam ? Là. Om yabkoun. Ida mata wahid. Ida mata wahidun minhum. Yabkoun. Buka. Buka ikhwat Yusuf. Il pleure lorsque il trouve un mort. Hein ? Et bilachak que c'est déplorable. Bilachak. Lakin kam yuqtal. Combien de personnes, à cause du terrorisme, ils sont tués dans les pays d'islam? Pas plus tard que hier, quand je me comprends quand je dis ça, attentat à Misr, 300 morts, fi lahza. 300 morts, fi lahza. C'est qui a stafid? Men. Hatta yakouloun antum salafiyin, ou antum kada, ou antum... Kavib, kulluha kavib. Naam. لكن مع ذلك استبشروا خيرا بهذاك صار pensez du bien d'Allah عز وجل فانه يعلم ظالم والله يعلم المفسد من المصلح الله connaît celui qui est corrupteur sur terre de celui qui est bienfaiteur celui qui améliore نعم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Et ils ont beau ruser comme ils veulent ruser contre l'islam et contre ses adeptes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse contre eux. Naam. Iwa rabbi al-ka'ba, anna Allah subhanahu wa ta'ala yamkur makran aziman wa huwa ahlun lidhalik. Wa huwa yakul ala ya'lamu man khalaqa wa huwa ish Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ça doit te faire méditer, il dit, ne connaîtrait-il donc pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le latif, le doux et le bien informé. Naam. Fa ma'a dhalika Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bihim fa 'alayka ayyuha as-sunni an tatamassak bi dinik wa la tafarrat fi dinik. فإن الفتن كثرت وإن الأعداء علينا فإذا لم يحصل حفاظ من الله فأنت في ضياع. Donc c'est pourquoi la personne qui est dans la sunna, elle se doit de s'accrocher à l'obéissance d'Allah عز وجل. Ce que tu sais que c'est une ta'a, fa'al. Ce que tu sais que c'est une obéissance à Allah, fais-la. Ce que tu sais que c'est une désobéissance à Allah, tourne. de la petite chose qui est un regard dans une rue, sur une femme ou sur une chose que tu n'as pas le droit de voir, un truc. Allah subhanahu wa ta'ala, il izzat. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève et il te raffermit et il t'honore par l'obéissance dont que tu lui voues. قال الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ainsi Allah, il vous secourt, personne ne pourra vous vaincre. Oui, wa rabbi al-ka'ba. Si Allah il vous secourt, personne ne pourra vous vaincre. Voilà chaque. Et si il vous délaisse, qui c'est qui va venir vous secourir? Qui c'est qui va venir vous secourir? نعم. على كل حال يعني فضل هذا العلم ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. Donc on se contente de ce درس.